Salutations à toutes et à tous. J'ai décidé de faire cette lecture sur la nourriture du lien magique, puisque s'opposent aujourd'hui deux tendances. Il y a à savoir une forme très récente de magie, à savoir la magie du chaos, qui a cassé tous les codes de la magie traditionnelle. Mais quand je dis casser, il ne faut pas prendre ça de manière spécialement péjorative. Et bien sûr, cette mouvance s'oppose à la communauté de magiciens et magiciennes qui ont été initiés de manière entre guillemets traditionnelle et qui demeurent attachés à la tradition. Maintenant, il faut savoir que du côté des partisans de la magie du chaos, on retrouve aussi des magiciens qui ont été initiés dans la, entre guillemets, ce qu'on appelle la grande tradition. Et j'en fais partie. Et il y a des magiciens comme moi. Enfin, il y a des magiciens qui sont passés de la magie traditionnelle à la magie du chaos, tout comme il y a des magiciens qui ont été initiés directement à la magie du chaos. Mais moi, j'appartiens à une classe beaucoup plus rare, c'est que j'ai un pied dans la magie du chaos et l'autre pied dans la magie traditionnelle. Je suis à cheval sur les deux. Je crois qu'il y a des... Plutôt qu'essayer de diviser, je crois qu'il faut essayer de réunir. Et c'est ce que je vais essayer de faire dans ma lecture. Mais avant toute chose, il faut faire un rappel historique. Ben, allons-y. Il faut retourner en 1886. Vous allez avoir trois maîtres maçons de la Grande Loge Unie d'Angleterre. Hein, donc William Winwood Scott, qui a vécu de 1848 à 1925. William Robert Woodman, qui est né en 1828, qui est mort en 1891, et Samuel Lidl MacGregor Mathers, qui est né en 1854 et qui est décédé en 1918. Ces trois francs-maçons-là faisaient aussi partie de la Societas Rosicruciana in Anglia, donc qui est la Société Rosicrucienne d'Angleterre, qui a été fondée en 1865. Mais on dit la SRIA. On cite ces généraux. Quand vous entendez SRIA, S-R-I-A, ben ça veut dire que c'est la Société Rosicrucienne d'Angleterre. Elle a à peu près. Elle décompte elle-même 50 chapitres à travers le monde. Mais pour y être admis, il faut soit être maître maçon de la Grande Loge Unie d'Angleterre ou maître maçon d'une obédience reconnue par la Grande Loge Unie d'Angleterre. Et chaque chapitre est limité à 144 membres. Alors ici, je ne suis pas là pour donner un cours ésotérique de la Bible, mais le nombre 144 a une certaine importance, enfin une certaine symbolique en tout cas, puisque d'une part, il est le carré de 12. Et on sait très bien que le nombre 12 joue un rôle capital aussi bien dans l'Ancien Testament que dans le Nouveau. Et 144, ça fait aussi, à mon avis, allusion à ce qu'on appelle l'enlèvement de l'Église dans l'Apocalypse de Saint Jean, où il y aura 144 000 élus qui quitteront le plan terrestre avant l'Armageddon, quoi. Donc je crois que le nombre 144 ici, correspond à ça ici au niveau des chapitres de la SRIA. Alors ben forcément quand un chapitre atteint les 144 membres, il doit faire ce qu'on appelle un SMH, c'est-à-dire qu'un petit groupe de personnes doivent quitter le chapitre afin d'en fonder un nouveau pour que l'ordre puisse perdurer. Voilà, ça c'était une petite parenthèse. Donc nous sommes en 86, comme je l'ai dit, en 1886, comme je l'ai dit, et les trois francs-maçons, les trois compères, donc William Winwescott, William Robert Woodman et Samuel Liddell MacGregor Mathers, vont prétendre avoir retrouvé dans la bibliothèque d'une loge maçonnique, mais on ne sait pas laquelle, ou l'histoire a oublié laquelle, dans lequel ils vont prétendre avoir découvert un manuscrit chiffré, crypté. Vous voyez, vous entendrez que je parle au conditionnel, parce que personne n'a jamais vu le document en question. Et les ordres initiatiques sont souvent montés, construits sur des mythes. Alors peut-être que cette histoire est un mythe. Toujours est-il qu'ils vont prétendre avoir trouvé la clé afin de décrypter le document, et ils vont se rendre compte que celui-ci est en fait une patente qui invite celui qui le détient à réveiller le véritable ordre de la Rose-Croix en Angleterre. La patente est accompagnée d'une adresse d'une certaine Anna Sprengel, vivant en Allemagne. En 1887, ces trois francs-maçons vont réussir à établir le contact avec Anna Sprengel, diront-ils, et celle-ci va leur expliquer qu'il y a déjà deux loges en Allemagne, mais que celles-ci sont en sommeil. Alors je précise, une loge en sommeil, c'est une loge qui a suspendu ses activités pour un certain temps. Ça ne veut pas dire qu'elle n'existe plus. Par contre, quand une loge se dit dissoute, dans ce cas-là, elle n'existe plus. Donc voilà. Mais les deux loges allemandes étaient donc juste en sommeil, d'après Anna Sprengel. Donc elle va donner encore plus d'instructions selon l'histoire. Elle va donner encore plus de consignes aux trois francs-maçons anglais. Et ceux-ci vont fonder 1888 l'ordre hermétique de l'Aube Dorée, dont le nom en anglais est The Hermetic Order of the Golden Dawn. Mais enfin, dans la communauté des initiés, vous dites Golden Dawn, on sait directement de quoi vous parlez. Excusez-moi. Donc, l'ordre va ouvrir ses portes en 1888, comme je l'ai dit, et il va très vite fleurir, on va dire. Il va avoir à Londres la loge Isis Urania portant le numéro 3. Pourquoi le numéro 3 ? Ben parce que y a les loges allemandes en sommeil portaient le numéro 1 et le numéro 2. Il va avoir la loge Hermès à Bristol qui portera le numéro 4, la loge qui portera le numéro 5 à Bradford qui s'appellera Horus, puis il y aura une loge en Écosse à Édimbourg, à Monra, qui portera le numéro 6, puis il y aura une loge à Paris en France à Tours qui portera le numéro 7. Et je précise au passage que cette loge, en 2024, est toujours en activité. Et enfin, une dernière loge à Weston-super-Mare, de nouveau en Angleterre, qui portera le numéro 8 et qui s'appellera Osiris. Mais ce sera la loge de Londres, Isis Urania, qui sera la plus florissante en termes de membres. Les autres loges seront beaucoup plus modestes, sauf la loge de Paris. Mais dans la loge Isis Urania de Londres, on va retrouver un peu beaucoup de personnes du gratin local, j'ai envie de dire. Notamment le célèbre poète William Butler Yeats, qui a vécu de 1865 à 1939. L'artiste Pamela Coleman-Smith, qui a vécu 1778 à 1961. Il va avoir Bram Stoker, donc l'auteur de Dracula, qui a vécu de 1847 à 1912, et le sulfureux Aleister Crowley, que certains d'entre vous connaissent déjà, qui a vécu de 1875 à 1947 et qui va jouer un rôle prédominant dans la ma malgré lui dans la magie du chaos. Hein, mais nous allons y revenir dans quelques instants. En fait, des conflits vont très vite, malheureusement, vont très vite apparaître dans la. Ah oui, premier, il faut parler de la structure. L'ordre de la Golden Dawn était divisé en trois ordres. Vous aviez l'ordre extérieur, qui s'appelait ordre extérieur, l'ordre intérieur qui s'appelait l'ordre de la Rose Rouge et de la Croix d'Or, et en fait le troisième ordre qui était dit ordre des chefs secrets. Si vous voulez en savoir un peu plus sur les chefs secrets, je vous invite à écouter mon enregistrement, mon expérience avec la magie. Là-dedans, j'explique un peu qui sont les maîtres secrets et voilà, et ce qu'il faut savoir sur eux. Et donc, comme je le dis, des conflits vont malheureusement très vite apparaître dans la Golden Dawn, puisque autant, malheureusement, William Robert Woodman décédera en 1891, donc il ne connaîtra pas beaucoup l'ordre, mais en fait, tant William Winwood Scott que Samuel Liddell MacGregor Mathers vont vouloir se dire chacun seul dépositaire de la Golden Dawn. Et ils vont prétendre pour ça, chacun d'entre eux va prétendre recevoir des messages des chefs invisibles. Mais le petit problème, c'est qu'ils vont recevoir tous les deux des messages contradictoires. Donc voilà, est-ce que cette histoire de communication avec les chefs invisibles était véridique? On ne le saura jamais. Mais je peux dire que c'est possible. Je vous renvoie encore à ma lecture, mon expérience avec la magie. Quand on connaît vraiment la nature des chefs secrets, qu'on appelle aussi maître ascensionné, supérieur inconnu, maître de sagesse, en fait, quand vous comprenez vraiment qui ils sont, quelles sont leurs natures, semer le chaos est aussi un de leurs sports. Voilà. Ça, tout ça va participer à la dissolution de la Golden Dawn en 1905. Mais seulement, c'est la dissolution de l'ordre originel. À partir de 1905, on va se rendre compte qu'il y aura des survivances de l'ordre qui vont apparaître. Je pense à la Stella Matutina, donc en Angleterre. Il va avoir l'ordre ésotérique de la Golden Dawn en Suisse. Il va avoir l'ordre saint de la Golden Dawn, si je ne m'abuse, en Angleterre encore. Il va avoir aux États-Unis l'ordre magique de la Golden Dawn, que je fréquenterai d'ailleurs pendant quelques années. Et nous aurons même droit à un Celtic Order of the Golden Dawn qui sera à la fois actif aux États-Unis et en Angleterre. Et il faut savoir que la Golden Dawn faisait appel à tout un panthéon de l'Égypte ancienne, hein, et plus particulièrement le mythe d'Isis et Osiris. Et par contre, dans la Celtic Golden Dawn, ce panthéon est remplacé par un panthéon issu de la tradition nordique. Donc vous voyez que on peut parfois avoir des mélanges, si j'ose dire, un petit peu bizarres, quoi. Mais bon, moi je ne peux pas juger, je n'ai jamais été membre de cet ordre. Donc voilà ce qui va se passer. Alors, au niveau, maintenant, il est temps de parler de ce fameux Aleister Crowley. En fait, lui va quitter la Golden Dawn dès 19... Alors, ça dépend. Il y a des sources qui indiquent 1891, tandis que d'autres... 1901, pardon. Tandis que d'autres parlent de 1904. Là-dessus, les historiens n'arrivent pas à se mettre d'accord. Et ils n'arrivent pas à se mettre d'accord sur le fait que certains prétendent qu'Aleister Crowley ne finira pas son cursus, ne terminera pas le cursus de la Golden Dawn, puisqu'il partira dès son admission au premier grade de l'ordre intérieur, tandis que d'autres diront que il partira en 1904 à Paris et qui complétera son cursus, le cursus dans la loge à Thora à Paris. Bon, ça, on n'en sait rien en fait. Il n'y a toujours pas de raison, il n'y a toujours pas de réponse qui tranche là-dessus. Mais une chose est certaine, c'est que en 1904, Aleister Crowley va partir pour l'Égypte et il va déclarer que pendant la nuit les nuits du 8, du 9 et 10 avril 1904, de minuit à 1h, une entité nommée Aiwaz ou Aiwaz, ça dépend, dans son œuvre, il utilise les deux orthographes. Donc le nom qui termine par un S ou par un Z, ça dépend. Mais il va dire que cette entité, donc qui va lui apparaître trois nuits d'affilée, va lui en fait dicter trois chapitres de ce qui doit être la nouvelle religion, à savoir la religion de Téléma, Téléma signifiant volonté en grec, et que voilà, l'ère du poisson en fait étant l'ère de la chrétienté, est terminée, et que doit arriver maintenant l'ère d'Horus. Hein, maintenant il faut savoir qu'il y a une suite logique avec la Golden Dawn qui elle était tirée était centrée autour du mythe d'Isis et Osiris. Eh bien Horus est le fils dans la mythologie égyptienne. Horus est le fils d'Isis et Osiris. Donc peut-être y avait-il une communauté, mais en tout cas Aleister Crowley va annoncer que on entre dans l'ère d'Horus et qu'il est le prophète de cette nouvelle religion. Maintenant, le livre de la loi d'Aleister Crowley est parfois titré soit livre de la loi ou soit Liber al vel legis. Je répète, Liber al vel legis. En fait, il est dans le domaine public. Vous pouvez le trouver gratuitement et légalement sur Internet. La seule restriction, c'est que certaines traductions sont marquées par le droit d'auteur, mais il existe des traductions françaises légales sur Internet. Mais moi, de toute façon, je vous conseille, si vous ne voulez pas vous perdre de temps avec ça, et puis c'est beaucoup plus joli, il y a une excellente édition de traduction du texte aux éditions Camion Noir, et le livre ne coûte pas cher du tout. Voilà, je vous dis tout de suite, je ne reçois pas de pourcentage de la part des éditions Camion Noir, mais enfin, leur traduction est de grande qualité, et puis bon, c'est un beau livre à posséder. Et si vous allez plus loin dans la loi de Téléma, c'est un référentiel dont vous aurez toujours besoin. Donc voilà. Donc ça, c'était 1904. En 1907, Aleister Crowley va créer son propre ordre de magie qui va s'appeler la A. Donc AA Donc c'est A, les trois points maçonniques, puis encore A, les trois points maçonniques. Bon, il est à dire que cet ordre n'a jamais eu de lien avec la franc-maçonnerie, n'a pas de lien avec la franc-maçonnerie et n'aura probablement jamais de lien avec la franc-maçonnerie. Et en plus, pour posséder, possédant, disons, toute l'œuvre d'Aleister Crowley, je peux vous dire qu'à aucun moment il ne donne la signification de ces trois lettres, de ces deux lettres AA. Mais pourquoi mais par contre, son ordre, lui aussi, était divisé en. En fait, c'est une réforme du système de la Golden Dawn, en fait. Son ordre là était réparti en trois ordres. Il y avait l'ordre de la Golden Dawn. Donc lui, il comment vais-je dire moi, il résumait les sept grades de la les sept ou les huit. Oui, les sept grades de la Golden Dawn. Attendez, je ne me trompe pas moi. Oui, c'est ça, les sept grades de la Golden Dawn en quatre grades. Et puis l'ordre, son ordre, donc c'était Golden Dawn, puis c'était ordre de la Rose-Croix, et enfin le troisième ordre, ordre de l'étoile d'argent. Et c'est de là que certaines personnes vont croire que AA signifie Astrum Argentum, donc c'est-à-dire étoile d'argent traduit dans un latin très approximatif. Mais en réalité, je le répète, Aleister Crowley ne donnera jamais la signification de ces deux lettres. Donc voilà. Et alors déjà, donc il va reprendre à son compte tout ce que la Golden Dawn enseignait. Donc c'est la théurgie, donc le travail avec les anges, la goétie, travail avec les démons, le tarot, la géomancie, le spiritisme, lecture dans les boules de cristal. Voilà, ça va être, pardon. Il va reprendre tout ce cursus, mais auquel il va ajouter des méthodes de magie sexuelle, à propos desquelles je ne dirai rien, puisque bon, le présent fichier peut tomber dans les mains d'un mineur, donc je ne dirai rien du tout là-dessus, et ainsi que des notions de yoga. Et ça, c'est très intéressant parce que pour l'époque, il était très rare de trouver quelqu'un qui. De trouver des personnes qui avaient vraiment une connaissance en yoga. Et Aleister Crowley, lui, avait acquis ses connaissances parmi ses nombreux voyages au travers le monde. C'était un grand voyageur. Alors, aussi, ce qui est important de dire à propos de l'AA, c'est que il y a le troisième ordre, mais contrairement à la Golden Dawn où le troisième ordre est réservé à des chefs, aux chefs invisibles de l'ordre, ici dans le système de Crowley, n'importe quel membre peut aller dans le troisième ordre tant qu'il remplit les conditions rituelles. Et le troisième ordre est le chef, et l'ordre des chefs, sauf qu'il s'agit d'ordre de chefs bien en chair et en os, et qui ne sont pas des esprits que personne ne voit. Voilà, donc ça c'est intéressant à savoir. Alors que dire, par contre le système de Crowley avait deux particularités. La première particularité, c'est qu'il avait deux grades préparatoires, à savoir celui d'étudiant et celui de stagiaire. Alors, c'était intéressant de voir que, dans celui d'étudiant, on donnait les bases aux membres, les bases de la magie de Téléma, on lui remettait une copie du livre de la loi, etc. Tandis qu'au stage d'étudiant, c'était particulier. Parce que vous étiez là, enfin la personne était là pour étudier la magie, mais on lui demandait déjà d'établir son propre système magique. Donc on lui demandait de faire des expériences en magie, elle faisait ce qu'elle voulait, et chaque semaine, elle devait renvoyer un rapport à son instructeur, et ça pendant une période d'un an. Parce que je précise au passage que, contrairement à la Golden Dawn, dans la A, il n'y a pas de réunion de temple ou de loge ou de ce que vous voulez. Ça se passe uniquement d'instructeur à élève. Du temps de Crowley, cette période de probation durait un an. Maintenant, elle ne dure plus un an. Moi, j'ai discuté, étant moi-même instructeur de la A, même si je n'enseigne pas pour le moment, j'en ai discuté. Maintenant, c'est avec, à l'heure actuelle et les mentalités actuelles, même une personne la plus sincère possible ne tiendra pas un an, quoi, sans se démotiver. Donc, ça tourne aujourd'hui à peu près autour de 6 mois. J'ai même entendu des instructeurs qui faisaient ça, qui avaient rédigé à 3 mois. Moi, ce n'est pas mon cas. Quand j'enseigne, c'est 6 mois. Et encore, je me réserve le droit de voir si la personne est réellement prête pour aller plus loin. Si j'estime qu'elle n'est pas prête, elle n'est pas prête et elle ne va pas plus loin. Parce que la pratique de la magie n'est pas sans danger. Et donc, je pense qu'il faut faire très attention aux personnes que l'on admet dans l'ordre. C'est comme aussi dans le système de Crowley à la base, dès le grade de zélator, hein, qui est donc le deuxième grade, le premier c'est néophyte, puis c'est zélator. Déjà le zélator pouvait enseigner à un néophyte et ainsi que faire travailler et ainsi que faire remplir les conditions des deux grades préparatoires. Maintenant, de manière uniforme, les instructeurs de l'AA dans lesquels je m'inscris, nous n'enseignons pas tant que nous n'avons pas atteint le premier grade du troisième ordre, qui est Magister Templi ou Maître du Temple. Donc voilà. Que dire encore par rapport à tout cela? Oui, la deuxième chose importante, j'ai parlé de la première, maintenant je parle de la deuxième, c'est que c'est ici que Aleister Crowley va déjà être quelque part le père de la magie du chaos, dans ce sens où il va appliquer des grandes réformes. Notamment sur l'utilisation des formules et des armes magiques. Alors il faut savoir qu'on appelle les armes magiques, ce sont les outils du magicien en fait. Et donc les 4 armes du magicien, c'est la coupe, qui est forcément correspond à l'élément eau, l'épée qui correspond à l'air, le bâton au feu et le disque à la terre. Et d'ailleurs, je vous invite à étudier le tarot de Marseille de manière plus appropriée, peut-être plus scrupuleuse. Vous apprendrez beaucoup de choses par rapport à la magie et à l'utilisation des armes magiques. Voilà. Mais ça sera peut-être pour une autre lecture. Donc, Aleister Crowley va casser les codes à ce niveau-là. Par exemple, dans la Golden Dawn, on va vous dire pour invoquer tel ange, il faut le faire à telle heure, tel jour, avec une coupe d'un tel métal sur laquelle on a gravé tel symbole ou telle écriture, prononcer telle formule, utiliser tel nombre de bougies. Aleister Crowley va dire que l'important, c'est d'établir un lien avec les outils, établir un lien vraiment familier premièrement, et de deux, d'accorder son rituel par rapport à notre réelle volonté. Donc, c'est-à-dire que pour, voilà, moi j'ai commencé mon cursus de la Golden Dawn Et c'est vrai que c'était très contraignant au niveau matériel. Et puis ça coûtait cher aussi de devoir acheter tous ces accessoires particuliers. Tandis que dans le système de Crowley, ben, par exemple, voilà, en m'inspirant de ce que j'ai appris dans l'AA, ben, ma coupe, ce n'est absolument pas une coupe en métal, c'est une coupe en terre cuite dont j'ai hérité, à laquelle je tiens beaucoup. Donc j'ai vraiment un rapport familier avec ma coupe, et cette coupe me sert, ben, si ça fait quelques années que je ne pratique plus, ça aussi je vous invite à ma lecture, mon expérience dans la magie pour comprendre pourquoi je ne panique plus. Mais quand je pratiquais, je pratiquais avec cette coupe en terre et non avec une coupe en métal. Et dans son livre, Le Liber 777, Aleister Crowley propose tout un tableau de correspondance où il suggère les liens qui peuvent être faits entre divers éléments, par exemple telle plante avec tel encens, etc., tel métal, etc. Mais c'est non dogmatique. Ce sont que des suggestions, et à chacune et chacun de trouver la combinaison qui lui convient le mieux. Donc moi je fais de grands progrès dans l'AA, ça a beaucoup plus de sens pour moi. Enfin, je critique pas la Golden Dawn, il y a encore aujourd'hui des milliers de gens qui sont membres des différents membres de l'ordre de la Golden Dawn, et leur travail est tout à fait admirable. Mais moi j'aimais mieux cette approche libérale et quelque peu libertaire d'Aleister Crowley. Donc je suis parvenu au troisième ordre, magistère. J'ai été premier magistère templi. Puis après, je suis passé au grade de magus. Et alors à ce moment-là, ben voilà, moi, enfin, déjà depuis le grade de magistère templi, j'étais apte à enseigner. Mais je n'ai eu qu'un seul élève qui est parvenu au terme du cursus. Donc, ça vous dire comme c'est quand même pas. Ce n'est quand même pas une mince affaire. Alors, ici, il va se passer une chose importante. C'est que va entrer dans l'AA un artiste renommé, Austin Ospan Sperr, qui a vécu de 1886 à 1956. Et lui va entrer dans l'AA. Il va passer le grade d'étudiant et le grade de stagiaire. Mais quand il va arriver au premier grade, qui est le grade de néophyte, il va dire qu'il trouve l'art beaucoup trop dogmatique, et il va quitter l'ordre. Et en fait, il va développer toute une théorie selon laquelle il est très simple de créer un rituel de magie. Hein, je vais vous donner un exemple. Il y en a plein d'autres, mais il faut bien que j'en choisisse un. Et en plus, étant limité par le fait qu'il s'agit ici d'un enregistrement audio, ben bon, enfin voilà, ça me limite un peu dans ma démonstration. Mais voilà, vous prenez par exemple, je veux réussir mon examen de permis de conduire. Vous prenez cette longue phrase, enfin vous pouvez prendre des phrases plus courtes si vous voulez, mais ici j'ai pris une phrase relativement longue. Vous barrez toutes les lettres qui reviennent en double. Avec les lettres qui restent en simple, vous les assemblez comme vous pouvez, ou plutôt comme vous voulez, afin de créer un dessin. Un dessin que vous allez affiner au point que ça ressemble, je ne sais pas moi, à quelque chose d'abstrait, ou peut-être plutôt à un être, à une créature, enfin, voilà, mais vous allez faire le dessin à partir des lettres qui restent. À partir de ces mêmes lettres qui restent, vous allez créer une espèce de mantra, une espèce de formule magique, et vous allez, pendant un très court rituel, en fait, répétez votre mantra en, sous votre sigil, c'est ce qu'on appelle un sigil ou sigil. Donc voilà, et en état de gnose. Mais ici, l'état de gnose ne doit pas être compris comme étant le pendant mystique du christianisme. Ici, dans la magie du chaos, quand on parle de gnose, c'est que ça doit être induit par des choses que je ne peux pas expliquer, parce qu'encore une fois, un mineur pourrait tomber sur l'enregistrement. Mais enfin, vous allez sur Google, vous tapez gnose, chaos, magie du chaos, gnose, et on va vous expliquer c'est quoi l'état de gnose. Et donc voilà. Et alors, après, on vous dit de détruire le sigil et d'oublier votre mantra, ce qui n'est pas forcément une chose facile. Austin Osman Speer, je trouve qu'on devrait lui rendre plus souvent justice parce qu'on oublie que c'est lui le véritable père. Même si Aleister Crowley a été l'instigateur de la magie du chaos sans le savoir, Austin Osman Speer en est définitivement le père. Mais malheureusement, on oublie ça, on l'oublie souvent. On va voir dans les années 70 une magie, ça très peu de personnes en connaissent, une magie punk, c'est-à-dire, enfin, c'est une forme de magie du chaos où ils vont, le principe de base va être plutôt que d'invoquer des entités que vous ne connaissez pas, qui s'invoque avec des formules en latin ou dans des autres langages que vous ne comprenez pas, en dessinant des sauts auxquels vous ne pigez absolument rien, eh ben, il va être beaucoup plus simple d'invoquer des personnages ou des entités que vous connaissez. Par exemple, ils vont se mettre à invoquer Spock, le docteur Spock de Star Trek. Moi, j'ai vu aussi un travail où un magicien du chaos avait fait appliquer l'arbre de vie au personnage du Muppet Show, etc. Ils vont détourner des logos publicitaires, etc. Et ils vont prétendre que leur système fonctionne. Oui, il est clair que ça fonctionne. Je peux vous dire, la magie du chaos fonctionne, mais seulement où il ne faut pas se leurrer. Et ici, il faut quand même que je remette les pendules à l'heure et dire aux magiciens du chaos, le fait de prendre des entités connues ou qui n'ont rien à voir avec la magie, en fait, ce n'est qu'un intermédiaire. Si votre demande magique trouve son but, c'est une entité qui va prendre le relais. Et j'ai expliqué que ce sont en magie rarement les anges qui prennent le relais. Voilà. D'ailleurs, je dois dire à cet effet qu'au départ, je le dis clairement, je parle des démons hein, ici. Les démons au départ n'avaient rien de mauvais. D'ailleurs, si vous prenez la traduction initiale de daimon en grec ancien, selon le contexte, ça veut dire un intermédiaire entre le monde des hommes et le monde des esprits, ou cela veut dire un compagnon. Mais seulement, comme je l'ai dit, avec des formes pensées dans l'inconscient collectif, à partir du fait où beaucoup de gens, beaucoup de personnes ont cru que les démons étaient mauvais, eh bien, ils sont devenus mauvais à cause des pensées des gens. Parce que, comme je l'ai déjà détaillé, et j'essaierai encore d'y revenir parce que c'est quelque chose qui est difficile à comprendre, vos pensées sont vivantes. C'est un peu, si vous répétez à un enfant pendant toute la moitié de sa vie qu'il est bon à rien, il sera bon à rien. Si vous lui dites toute la moitié de sa vie qu'il est méchant, il va croire qu'il est méchant. Et ça a été que la même chose avec les démons. L'homme a fait entrer dans ses entités l'idée qu'ils étaient mauvais, en fait. Mais un démon, normalement, enfin, au départ, n'était ni bon ni mauvais. Il existait, point. Là-dessus, je tenais à le dire. Alors aussi, il faut faire la différence. Ici, je suis en digression un peu, dans une digression, hein. C'est comme il y a aussi, il faut pas confondre entité spirituelle et entité invisible. Ce sont deux choses différentes. Il faut savoir que dans notre monde encore physique, il y a des êtres qu'on appelle les êtres élémentaires, ou alors, pardon, les esprits familiers, les créatures familières. Donc ce sont des créatures qui ont encore un corps physique, mais qui est à une très très très très très très basse fréquence. Donc vous ne voyez pas les créatures. Il y a des gens qui ont le don de voir ces créatures, mais il y a moyen d'avoir des expériences avec elles. Eh bien, ce sont les sylphes pour l'air, les ondines pour l'eau, les salamandres pour le feu, et les gnomes qu'on appelle aussi trolls ou newtons, ça dépend. Par exemple, si vous voulez savoir s'il y a des gnomes, vous allez dans une forêt, en général ils sont dans les forêts, vous les appelez, vous prenez comment ça s'appelle ça, un diapason, c'est ça, vous prenez un diapason. Vous appelez le gnome et vous lui demandez de passer à travers le diapason s'il est là. Eh bien, il va passer et le diapason va se mettre à sonner. Maintenant, j'ai vu un reportage dans Striptease, la fameuse émission, où on voyait une personne qui soi-disant communiquait avec les gnomes, mais elle faisait sonner, teinter le diapason avant que soi-disant que le gnome passe. Non. Si vous voulez faire l'expérience, vous ne devez pas faire sonner le diapason. C'est le gnome qui va le faire sonner en passant. Donc voilà, ça ce sont des esprits élémentaires, donc ce sont des créatures invisibles. Tandis que tout ce qui est entité, il y a après toutes les entités spirituelles qui, elles, sont des formes esprits qui montent. Qui évolue dans les mondes parallèles, quoi, sur lesquels je ferai une vidéo un de ces jours aussi. Excusez-moi, je bois un petit coup. Voilà. Enfin, ça, c'était ma petite digression. Donc, après que la magie du chaos, il va y avoir quand même une structure qui va émerger en 1878, avec la fondation des Illuminés de Thanateros, donc aux États-Unis, en Angleterre en 1978. Et il va avoir une série d'expériences qui va être faites comme ça, bon, maintenant qui n'ont aucune valeur scientifique, puisque la magie n'est pas, et la parapsychologie, parce qu'il y a quand même une grosse partie de parapsychologie, voire même de psychologie dans la magie. Carl Gustav Jung l'a d'ailleurs très bien démontré. Il va y avoir une expérience qui va être faite. D'un côté, on va mettre que des magiciens ancrés dans la tradition, et de l'autre côté, on va mettre des magiciens du chaos. Et les deux groupes vont recevoir une feuille avec quelques objectifs magiques. Les deux camps recevront les mêmes objectifs, et ils vont devoir démontrer que leur forme de magie est la plus appropriée pour parvenir au résultat demandé. Eh bien, figurez-vous que ce sera un peu du 50-50. Sur certains aspects, les magiciens du chaos l'emporteront haut la main, tandis que sur d'autres, ce seront les magiciens ancré dans la tradition. Donc voilà. Et maintenant, bon, on en arrive au point, ça sera ma conclusion, mais qui permettra d'apporter, en tout cas, ma réponse aux choses. C'est que j'ai appris Ce que j'ai appris dans la magie de manière relativement traditionnelle, puisque je l'ai appris dans la Golden Dawn et en partie puis dans la A. Moi personnellement, si des magiciens, j'ai toujours envie de dire musiciens, je ne sais pas pourquoi, moi. S'il y a des magiciens qui trouvent leur compte dans la magie du chaos, c'est-à-dire en faisant un sigil ou un sigil, et en le détruisant juste après, et que ça marche, tant mieux pour eux. Moi, je n'obtiens aucun résultat, et je vais expliquer pourquoi. Moi, en fait, quand je pratiquais, comme je vous ai dit, ça fait quelques années que je ne pratique plus, mais j'aimerais bien m'y remettre un jour. J'avais pris des éléments, j'avais pris une grosse partie de ce que j'avais appris dans la voie traditionnelle, mais que j'avais mis, si j'ose dire, à ma sauce. C'est-à-dire que j'avais ma pratique magique personnelle ressemblait plus à un culte qu'à comment à un culte qu'à des cérémonies, des rituels magiques ponctuels. C'est-à-dire que j'avais des entités, j'avais fait un autel avec, j'avais pris des artefacts pour représenter telle entité, et toutes les nuits, sans exception, entre minuit et 3 heures du matin, j'allais nourrir ces entités. Et alors, afin que la force et le fait de le faire tous les jours augmentaient entre guillemets, leur pouvoir. Enfin, je sentais leur pouvoir augmenter, je sentais mon pouvoir intérieur augmenter, et lorsque je faisais un rituel pour obtenir quelque chose, ça marchait extrêmement bien. Et je vous dis, je me suis servi de sigil, mais sauf que moi, je n'ai jamais détruit mes sigils. Je les offrais, je prenais les offrandes, et quand je dis offrande, c'était en général du sang, mais je vous rassure, mon propre sang, je n'ai jamais blessé un animal ou un autre être humain. Je faisais offrande de mon sang sur le sigil. Et ça fonctionnait très bien, j'avais d'excellents résultats en magie, mais je vous renvoie sur à ma vidéo, mon expérience avec la magie, pour voir que tout ça n'est pas innocent et que tout ça a un prix. Donc voilà, moi je pense que la nourriture du lien magique, pour moi, me semble essentiel, voilà, ce sera ma conclusion. La nourriture du lien magique me semble essentielle, mais par contre, elle peut être tout aussi bien remplie par des méthodes strictement issues de la magie du chaos. C'est pas tellement le chemin qui est important, c'est le but. En tout cas, dans ce cadre-là. Puisque dans la quête initiatique, on dit que c'est pas l'aboutissement qui compte, mais le chemin. Dans la magie, il faut être honnête et dire que c'est souvent le but qui prévaut sur le chemin. Donc voilà, à vous de choisir, ou à vous de vous bricoler, oui, j'ose utiliser le mot bricoler, votre propre système magique avec vos propres entités. Vous le nourrissez comme vous voulez, par des prières, des rituels, etc. Et vous faites ça chaque jour ou dès que vous en avez l'occasion, vous verrez, vous allez créer un centre d'énergie très puissant que vous allez d'ailleurs ressentir à l'intérieur de vous-même et qui vous donnera les meilleurs résultats. Voilà, donc pour moi, je ne trancherai pas, je crois que chaque méthode peut marcher. Et donc, soit la magie traditionnelle ou la magie du chaos peut tout à fait fonctionner pour la nourriture du lien magique, mais encore une fois, pour moi, je suis partisan de dire que la nourriture du lien magique est importante et qu'on saurait faire, il serait très difficile d'agir réellement sans elle. Voilà. Merci de m'avoir écouté et à bientôt pour une nouvelle lecture.